Ah, qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Paladin niveau 66. Archimage 55. Ok. Vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans. Soyez prêts pour hyperatomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum. Bonjour à tous et bienvenue à CKIA FM 88.3 Québec. C'est votre magazine d'intérêt ludique puissance maximale qui commence avec, encore une fois, une grosse émission qui s'en vient vers nous. Là, on a j'ai François G. Couillard, là, le grand Manitou de puissance maximale devant moi. Salut François. Salut Michael. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Ah, de rien, moi, je vais juste commenter puis je vais fournir le service technique. Oh, excellent, excellent. On a aussi Andrew Castegan qui va nous parler d'un jeu avec un collaborateur spécial cette semaine. Oui, ben en fait, je vais venir parler de Anno 2070, un jeu de Ubisoft. Et je vais être accompagné de mon ami que j'ai parlé lors de la première émission, mon grand collaborateur fraîchement venu de la rive sud de Québec, Jimmy Fortin. Bonsoir tout le monde. Salut yep. Jimmy. Alors, spécial Lévis aujourd'hui. Hein? Oui, c'est ça, spécial Rive-Sud et gestion. Et pour ma part, ben, on va y aller avec des nouvelles tantôt sur, évidemment, le monde du jeu. Et je vais vous parler de manga. Ça fait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. Je vais vous parler du manga, Fly, qui est basé finalement sur le jeu Dragon Quest. Et c'est quand même assez vieux, ça date des milieux des années 90. On vous en parle tantôt. Je regarde la pochette, ça a l'air pas mal old school. Oh oui, il y a eu une réédition, mais on va vous en parler tantôt. On va commencer en musique, si vous le voulez bien. On va commencer avec une chanson d'un groupe québécois qui s'appelle le Groovy Hardward. C'est un vieux groupe des années 90 là, qui allait dans le metal et le rock, qui a fait plusieurs reprises, dont une reprise de la chanson Tetris, d'une des chansons thèmes de Tetris. Alors on va écouter ça à CKIA FM 88.3. Vous écoutez Puissance Maximale. Who is rapping? Hey! Ok, je suis Normand Lamour et puis vous écoutez Puissance Maximale. Mon petit bébé d'amour. Eh bien, nous sommes de retour à CKIFM Puissance Maximale et on va parler d'un jeu qui s'appelle Anno 2070 avec Andrew Castegan, un jeu de gestion, je crois, tu me disais. Oui, en fait, on parle ici d'un jeu de stratégie et de gestion, un joyeux mélange des deux. En fait, c'est un jeu sur table ou c'est un jeu PC? Non, un jeu PC. Okay. On n'a pas pensé à le spécifier, mais c'est un jeu PC publié par Ubisoft. Jeu que personnellement j'avais aucune idée que c'était sous Ubisoft. On l'a découvert avec justement le dernier là, Anno 2070. Et aussi en même temps, pour faire un petit topo rapide, le jeu se passe, vous l'avez deviné, dans les alentours des années 2070. La calotte glaciaire a fondu, donc le niveau de l'océan a augmenté. Qu'est-ce qui a fait en sorte que la technologie humaine, ben pas exactement technologie parce que ça reste quand même technologique, mais la majeure partie des fondations humaines n'existent plus. Donc ça fait en sorte que le monde doit se reconstruire. Donc là, il y a un Sénat planétaire qui a été établi avec trois strates différentes de la société, des écologistes, des hommes d'affaires que eux ne pensent qu'à l'industrie et à l'argent, et les scientifiques que c'est géré par un ordinateur qui s'appelle Father. Mais bon, okay. T'es ça. C'est un monde post-apocalyptique, dans le fond. Oui, puis non, parce que si on regarde les jeux post-apocalyptiques, il n'y a pas de ruines ou de feu ou de plein d'affaires autour. C'est des îles paradisiaques. Et, okay. Dans le fond, c'est quand même... Ben oui, il y a des ruines pour les pirates, mais t'sais, pour les civilisations standards, il n'y a pas... T'sais, c'est quand même paisible. T'sais, c'est un jeu qui est beau. Puis t'sais, c'est pas anarchique en tant que tel comme monde. Parce que t'sais, malgré qu'est-ce qui a frappé l'humanité, ils sont restés quand même structurés. On réussit à garder un gouvernement en place puis ainsi évoluer le monde. Il y a de la friction entre les trois... Ben, en fait, c'est majoritairement les deux strates, les hommes d'affaires qu'on appelle les tycoons et les écologistes, qu'on appelle Eden, si je ne me trompe pas. Ouais. Donc, dans le fond, qui fait... Ça, c'est les indignés de 2070. Ben, les hippies. Un peu les Greenpeace de 2070. Les granos-là. Les granos-là. Fait que, tout ça pour dire que, dans le fond... il y a de la friction entre les tycoons et les Eden. Les tycoons, eux, ils veulent, dans le fond, garder un style de vie et d'exploitation des ressources comme c'était avant la crise, tandis que les Eden veulent plus avoir, dans le fond, une énergie renouvelable et quelque chose de plus écologique, qu'est-ce qui n'est pas forcément bien pour l'économie. Malgré qu'on se rend compte en jouant dans le jeu que c'est salement plus facile de gérer économiquement les Eden que les tycoons, mais du point de vue des tycoons, c'est pas bien. Finalement, c'est aucune science-fiction. Là-dedans. On se retrouve dans une situation qu'on vit présentement en 2011. C'est ça que tu es en train de me dire. Oui, bien, en fait, malgré qu'il y a certains aspects technologiques, c'est quand même quelque chose qui ne va pas trop dans le sci-fi. C'est quelque chose qu'on peut quand même voir dans un futur plus ou moins proche, parce que, dans le fond, les bâtiments, ils ont un design moderne, style futuriste, mais en tant que tel, on voit quelques voitures volantes dans les villes. Sinon, en tant que tel, le moyen de transport reste pas mal avion et bateau, comme on connaît déjà. Sinon, c'est surtout dans l'exploitation des ressources. Les tycoons, on voit vraiment quelque chose de plus traditionnel. T'es comme les usines de minage à ciel ouvert de charbon, c'est des gros broyeurs, dans le fond, qui creusent dans le sol pour récolter la ressource. Donc, dans le fond, ça fait en sorte que, c'est des choses qui existent déjà. Tandis que les Eden, eux... Finalement, tu es en train de nous dire là, que on va choisir une gang à qui on va appartenir, puis après ça, on va monter une civilisation. Est-ce qu'on parle de gestion par ville, par grand territoire, un peu comme dans la civilisation, ou c'est autre chose? En fait, c'est un peu une twist entre les deux. Oui, Jimmy? Je te dirais, Mike, qu'à la base, la civilisation que tu choisis, tu pars au niveau de zéro. Okay. Tu fais un centre de ta ville, tu évolues à partir de là, tu fais des maisons, tu fais des ressources, comme disait Andrew. Puis à partir de là, tu décides si ta civilisation évolue pas ou elle évolue. Okay. Puis ça fonctionne avec des besoins. Si tu regardes aujourd'hui, tu as besoin de manger, de nourrir, du divertissement, puis tu arrêtes là. Quand tu tombes plus loin, ben là, ils ont besoin d'autres choses. Plus différentes sortes de manger, de d'autres sortes de bon, je t'ai participé également à me dire du drinking, mais... Dans le fond, ça ressemble un peu à Command & Conquer, mettons? Ou... Ben, je te dirais que c'est un petit peu plus poussé que Command & Conquer, parce que Command & Conquer, tu fais une base, tu fais une armée, puis tu rentres dans du monde. Mm-hmm. Tandis que là, il faut que tu saches gérer tes ressources comme il faut, parce que, si mettons exemple, tu mines du métal, tu mines du charbon, ben ça fait des tuyaux de métal, puis après ça, t'as le choix. Je fais-tu des bâtiments avec ça ou je fais des munitions? Okay. Fait que si tu... Est-ce que tu peux gagner en faisant aucune armée? Personnellement, moi puis Andrew, c'est pas rendu là encore. Pour être plus exact, en fait, j'ai regardé un peu sur les... parce qu'il y a des achievements. Et dans le fond, on peut récolter des points pour débloquer du contenu supplémentaire dans le jeu à partir du launcher. Puis dans le fond, on peut gagner par une victoire militaire. Dans le fond, on peut faire en sorte que de se construire une armée et détruire les autres factions. Dans le fond, que ce soit pirate, un autre joueur ou un ordinateur. On peut gagner aussi en construisant qu'est-ce qu'on appelle un monument. Qu'est-ce qu'est le monument? J'en ai aucune idée. Mais si on peut aller dans les jeux de stratégie existants, c'est probablement qu'est-ce qu'on appelle une merveille, dans le fond. Ouais, la Wonder. On peut gagner de façon diplomatique, d'après ce que j'avais cru remarquer. Est-ce qu'il n'y a pas toi, ça, c'est en passant? Non, aucunement moi. Moi, je joue la pire charogne possible. Ah, moi, je joue les tycoons. Pur et simple. Moi, j'exploite la terre. Me fous de l'environnement tant que c'est rentable, puis je peux me construire une armée. Là, ça, c'est bien. Je suis bien content. Mais comme Jimmy disait, c'est quand même un jeu complexe dans sa simplicité. Je vais m'expliquer. Le jeu, il est facile à apprendre. Mettons qu'on joue un peu, on va finir par comprendre comment que ça fonctionne, puis on va être capable de l'exploiter. Comme quand Jimmy il jouait justement pour la première fois pour montrer le jeu, j'ai été un peu son advisor qui donnait des trucs sur comment gérer ses affaires. Puis quand j'ai fini par m'acheter le jeu, dans le fond, quand j'ai joué pour la première fois, ben t'sais, j'étais quand même capable d'évoluer un rythme très rapide, puis j'avais jamais joué au jeu. Aussi Vanessa, ma conjointe, elle a acheté aussi le jeu, et ça a fait en sorte que elle l'avait jamais joué, elle l'avait jamais vu. Puis la première game, c'était plus dur un peu, mais elle a pris la touch, puis t'sais, elle va quand même bien. Fait que t'sais, quelqu'un qui se connaît moindrement en jeu de gestion ou jeu de stratégie va prendre le jeu en main très rapidement. Mais faut pas penser qu'une game, ça dure 5 minutes. Là. T'sais, c'est des parties de 2, 3, 4, même peut-être même 5 heures. Oh là là. Donc c'est très, très, très, très long. Et même Jimmy fait un signe de la main pour dire qu'on peut monter. Monte encore. Fait que t'sais, c'est quand même, c'est quasiment un investissement. Là. T'sais, faut prendre du temps. Puis en même temps, je dirais, quand on construit la ville, on la voit évoluer. Moi, dans mon cas, je m'attache quasiment à ma ville. C'est toujours ce qui arrive. Hein? T'sais, quand je vois des pirates arriver et détruire mes affaires, je suis comme « Non! » J'étais si proche du but. C'est comme quand on voit le creeper à Minecraft arriver proche de notre cabane, puis on attend le tss, là, à ce moment-là, on a tout le temps le petit pincement au cœur. Tendeur qui va partir en fumée. Ouais. Mais c'est quand même un beau jeu, je vous dirais. Il a quand même passé sous la barre de bien des sorties qu'il y a eu actuellement, parce qu'on a quand même eu Battlefield 3, on a eu Modern Warfare 3, on a eu Skyrim. Assassin's Creed. On a eu Minecraft qui est sorti. T'sais, tout ça, oui, la version finale de Minecraft. Ah oui, c'est vrai. Donc, tout ça pour dire que, dans le fond, il y a eu beaucoup d'actualités axées sur plein de gros titres que le monde attendait. Ah, puis oui. Celui-là, il a passé comme un peu en dessous des radars. Parce qu'il est sorti quand exactement, ce jeu-là? Ça fait 2 semaines et demie, okay, à peu près. Il est sorti quelques jours après Assassin's Creed, qui okay, est deux fois, il est vrai, ça aussi. Il est vraiment, c'est vraiment sorti en même temps que tous les gros jeux. Mm-hmm. Exactement. Puis aussi, en même temps, qu'est-ce qui est pas pire, c'est que c'est un jeu qui est quand même pas très dispendieux. On le retrouve quand même dans les prix standards des versions PC là, en téléchargement sur Internet. Ça, peut-être recommandation que je vous ferais, si vous prévoyez l'acheter, ne l'achetez pas sur Steam. Non, faites pas de comme moi. Hein. Parce que, dans le fond, ils ont déjà un launcher, fait que achetez-le sur le magasin Ubisoft, comme ça, vous allez vous sauver une étape pour partir le jeu. Parce que, dans le fond, si on vous l'achetez sur Steam, vous avez le partir sur Steam, que lui va partir Ubisoft, après ça, vous allez vous loguer, puis après ça, il va recharger dans Steam, fait que, tu sais, gardez ça simple, achetez-le directement d'Ubisoft. C'est ça, les jeux PC, c'est de plus en plus à la mode, là, les lanceurs de jeux à partir des sites web, à partir mm-hmm. des finalement des systèmes où on va acheter le jeu, qu'on l'achète en ligne. Ça, des fois, effectivement, ça peut. Si on n'a pas une machine trop performante, des fois, ça peut justement ralentir le processus, puis ça devient lourd. Puis en plus, c'est un jeu qui est quand même très beau, pas gourmand dans les ressources des machines. Fait que t'es quelqu'un qui a un Pentium 4, là, moindrement bien là, monté, là, va être capable de bien jouer le jeu. Peut-être pas au maximum, mais t'es quand même de façon respectable. Fait que je vous dirais, si vous êtes fan de gestion de stratégie, c'est vraiment une belle recommandation. Peut-être une bonne idée de cadeau de Noël. Faut pas oublier que Noël s'en vient prochainement. Ben oui. Fait que vraiment à surveiller Anno 2070 par Ubisoft. Belle découverte. Ben, merci Andrew de nous avoir partagé ton opinion, puis merci à toi aussi Jimmy. On va continuer en musique avec une chanson en fait qui a été faite par Dan Bull. C'est un gars qui sévit sur YouTube, qui fait des raps, c'est un rap en fait, il fait des raps sur des jeux vidéo. C'est lui qu'on va vous faire entendre. C'est un peu, on voulait vous faire entendre ça la semaine dernière, mais on n'avait pas les chansons sous la main. C'est un rap sur Skyrim, ça s'appelle Dovahkiin, qui a en fait le nom scientifique du Dragonborn dans Skyrim. Alors, un petit rap comme ça sur Skyrim. On vous écoutait ça sur CKIA FM à puissance maximale. Who's rapping? Dovahkiin. Dragons are not over keen. I'll dice them like a knife, slicing right through an aubergine. My dragon shout flow is sweeter than a soda stream. You won't believe your eyes. I'm like an overload of dopamine. A broadsword in one hand and a magic spell in the other. I'm the last of the dragonborn. There's no other, my brother, so run for cover. If you've got scales, then I'm on your tail, and I will not fail like a free-roaming sandbox game. I'm off the rails. I walk the trail through awful gales and storms of hail till all the nails are knocked into your coffin. I'm not stopping till you're impaled and I prevailed in the name of the North. I pray to the Lord, you all get a taste of the blade of my sword. I'm taking on hordes of enemies. I face him with hordes of weaponry. The drain of my force, the chemistry comes into play with retorts and recipes. Alchemy mixing like a DJ, restoration restore my energy. My legacy, odyssey, elegy, prophecies written in heavenly bodies and buried with everybody that ever did bother to mess with me. Dead and I'm terribly, horribly, I'm a celebrity, honestly. You're a wannabe, I'm a prodigy. The suggestion you're better than me at being a warrior? Ha! Comedy. It's a gift to me. I don't just spit flames lyrically, but literally. And the Elder Scrolls are scripts in which I've written your obituary. I am the Dragonborn, wearing a hat with badass horns. I'm Dovahkiin, not globally, you're nobody at all. Je suis Monsieur Fall et vous écoutez Puissance Maximale. Et oui, Monsieur Fall, c'est puissance maximale sur CKIA FM. Alors, on va y aller en nouvelles, quelques petites nouvelles, en fait trois nouvelles sur le monde du jeu. Et messieurs, s'il y en a qui vous viennent à l'esprit pendant que je vous parle, gênez-vous pas. Alors, un film du jeu Rampage. Et oui, on se rappelle tous du jeu Rampage. On parle des gros dinosaures qui tapent sur des édifices. Là. C'est ça, il y avait le dinosaure, le gorille et le gros loup-garou. Un jeu hautement intellectuel. Oh oui, on en avait parlé avec Guillaume à la première émission. C'était un rat géant. Un rat? Oui, c'est un genre de rat géant. Ben, en tout cas, dans une des versions, c'était un rat géant. Ça devait être la première version, oui. Oui, ça se pourrait très bien, parce qu'il y a eu quand même plusieurs versions. Il y avait une version arcade, une version sur NES... Puis il y en avait eu d'autres. Mais si je me trompe pas, le loup-garou est apparu dans la version 64. Exact. Oh! Ouais. On a des codes. Ouais, je me rappelle du boîtier, il était bleu, le loup-garou. Si je me rappelle bien. Donc, et oui, ils veulent faire un film, et c'est New Line Cinema qui a acheté les droits pour faire un film à partir de cet excellent jeu qui est Rampage. Alors, ils ont choisi le réalisateur de Destination Ultime et du remake de Nightmare on Elm Street. Donc, un réalisateur qui va un peu dans le blockbuster. Ça fait que là, d'après ce que New Line a dit là, dans sa nouvelle, là, c'est qu'ils veulent aller dans la même veine que Ghostbusters puis Independence Day avec ce genre de film-là. Bon, moi, personnellement, je pensais plus à Godzilla ou un truc du genre, là, mais bon, on va souhaiter bonne chance à New Line pour ce merveilleux projet qui est Rampage the Movie. Au moins, c'est pas Michael Bay. Au moins, c'est pas Michael Bay, parce que les gens qui me connaissent savent que j'adore Michael Bay. Celui qui a détruit un de mes rêves d'enfance, et j'ai nommé Transformer. D'ailleurs, Mike, si je te passe les trois films, je les ai. Hein. Non, ça va aller. Il y a aussi EA qui est poursuivi pour sa sortie de Battlefield 3 sur PlayStation 3. Parce que quand EA avait annoncé sa sortie, ils avaient dit « Les propriétaires, ceux qui achèteront Battlefield 3 sur PS3 auront... » une copie gratuite, en tout cas virtuelle, là, de Battlefield 1943, et ça n'a pas été fait, finalement. Il n'y a personne qui l'a reçu. Là, EA essaye de se racheter en finalement donnant accès au prochain update du jeu, le DLC qui s'en vient, une semaine à l'avance. Mais là, il y a une firme aux États-Unis, une firme d'avocats qui ont décidé de poursuivre, là, parce que la poursuite se base surtout sur le manque de communication que EA a avec ses consommateurs. C'est ce qu'on appelle un recours collectif, là. Ouais, c'est ça. C'est les usagers qui poursuivent, dans le fond. C'est ça, c'est les usagers qui vont poursuivre. Puis là, présentement, là, c'est ce qu'on essaie, on reproche à EA, c'est le manque de communication, parce que si je me rappelle bien, la nouvelle était sortie sur un fil Twitter pour finalement la copie de Battlefield 1943. Donc là, on va voir ce que ça va donner, mais pour le moment, là, EA n'avait pas émis de commentaires sur cette nouvelle-là, mais bon, ça s'en vient. Dans les autres nouvelles que je voulais vous parler, Pathfinder, le populaire jeu de jeu de rôle que plusieurs appellent Dungeons & Dragons 3.75, Paizo, qui est finalement les éditeurs du jeu, ont enregistré leur nom pour un MMORPG sur Internet. Le développement a commencé, c'est par la firme Goblin Works. Donc, ils nous annoncent finalement un MMORPG sur Internet. Il n'y a pas de date de sortie pour le moment. C'est tout frais, là. C'est sorti la semaine passée. On s'entend, c'est le monde de Donjons et Dragons. Là. C'est ça. C'est un monde qui est basé un peu, justement, c'est basé sur le système de Donjons et Dragons. Donc, c'est un monde basé sur le fantasy. On a des nains, des elfes. Est-ce que je cherche déjà un MMO de Donjons et Dragons qui s'appelle Donjons et Dragons? Oui, c'est ça. Sauf que là, Paizo va utiliser, eux, leur monde à eux, qui est vraiment avec une géographie particulière, des dieux qui leur... Mais c'est pas pareil, dans le fond. C'est ça. C'est le même système, par exemple. Là. Pour ceux qui connaissent un peu le jeu de rôle. C'est le système des vins. C'est ça. C'est basé sur le système des vins. Et c'est aussi beaucoup basé sur le système 3.5 de Donjons & Dragons. Parce qu'il y a eu beaucoup de critiques au niveau de Donjons & Dragons. 4e édition, quand il est sorti, il y a beaucoup de monde qui disait que ça ressemblait trop à un jeu vidéo. Même du monde qui disait que ça ressemblait beaucoup à un genre de World of Warcraft sur table. Qu'on perdait un peu. C'était beaucoup axé combat-action. On perdait un peu du côté roleplay. Puis là, avec Pathfinder, là, Paizo avait essayé de ramener les purs et durs de Donjons & Dragons 3.5 avec eux, ce qui a marché, là, parce que la plupart des gens que je connais là, qui sont vraiment des joueurs, des purs et durs de donjons, sont allés avec Pathfinder pour leur jeu. Alors, ils ont développé à partir du monde qu'on connaît, surtout à partir du monde de Greyhawk, dans le monde de Donjons & Dragons, là, qui avait été édité par Wizards of the Coast. Mais ils se sont beaucoup basés là-dessus, surtout pour les dieux, les divinités, puis un peu la façon que ça fonctionne. Là, on a une géographie, finalement, qui est vraiment à eux. Là. Ils ont inventé un monde, il y a une politique, il y a un monde politique bien à eux, il y a des personnages bien à eux aussi. Là. Sauf que là maintenant, ils vont finalement faire un jeu à partir de ce monde-là. Ils nous annoncent un jeu de style sandbox, donc un monde ouvert, où on va se promener, qui sera pas, on nous dit pas linéaire, mais bon, ça, il faut quand même s'attendre. Ça va être un jeu fantasy, donc des quests, on va aller se battre à l'épée avec nos pouvoirs magiques, donc ouais, ça reste un peu... Ça va être assez classique, maintenant. Oui, je pense pas qu'ils vont révolutionner le monde avec ça, mais là, on nous parle, par exemple, d'un système économique que les joueurs vont pouvoir influencer, donc avec, justement, la fabrication d'outils, d'autres produits, là, dans le jeu, consommation, évidemment, qu'on va faire. C'est ça, les règles d'offre et de la demande. C'est ça, ça va s'appliquer d'après ce qu'ils nous disent, là, parce que là, ça commence le développement. Puis on nous parle aussi de système de développement puis de gestion de ville, parce que là, on va pouvoir commencer à se fonder un petit village aussi, puis commencer à investir dans notre village pour pouvoir faire des fortifications, faire une ville, puis finalement, entrer de nos amis qui vont jouer, mais ils vont pouvoir entrer dans notre ville, nous aider à gérer ça, puis finalement, faire une grosse capitale fortifiée de notre région, puis aussi la gestion de la guilde et tout ça. Donc, des belles promesses, on a hâte de voir, là, parce que moi, personnellement, je suis un grand, grand fan de Pathfinder, ça m'intéresse beaucoup, j'ai hâte de voir ce que ça va donner en version électronique. Donc, une belle promesse, j'ai hâte de voir. On nous parle justement là, de la gestion des royaumes aussi, parce que nos villes vont devenir des royaumes, donc il va y avoir peut-être justement cette compétition-là entre les différents joueurs à ce moment-là. On a hâte de voir ça. Moi, j'aurais peut-être deux autres nouvelles à faire. Ben oui, vas-y, En fait, deux nouvelles pour les fans d'Xbox qui pourraient nous écouter. En fait, la première, vous savez, Microsoft avait sorti un accessoire pour sa Xbox, la Kinect, qui ont été quand même sujet de joke et de farce de notre part lors de l'émission, mais que François a dit quand même que ça répondait quand même relativement bien. Ils avaient tout invité à l'essayer, ce qu'on n'a pas eu l'occasion de faire. Mais bref, beaucoup de monde avait fait des petits logiciels pirates, dans le fond, sur leur ordinateur pour exploiter les possibilités de la Kinect. Microsoft ont annoncé que les ordinateurs PC allaient avoir la Kinect en version améliorée et faire en sorte qu'on allait pouvoir l'utiliser à des distances plus proches. que la Kinect dans le fond de la Xbox. Est-ce qu'on va avoir droit à cette mise à jour-là sur la version Xbox? J'en ai aucune idée, mais pourquoi pas. Et on avait quand même parlé d'une sortie récente. On parle fin 2011, début 2012. Donc, on parle soit dans le temps des fêtes ou un peu après. Quand même très récent au niveau de ça. Pour à peu près un prix relativement semblable à ce qu'on le trouve sur le marché actuellement. Ce que j'avais vu par rapport à ça, là, je sais pas si c'est ça que tu avais vu aussi, ils voulaient viser le monde des affaires. Donc, la vidéoconférence, optimiser la gestion des entreprises. Microsoft, ils sont bons pour en beurrer épais en disant. Conférence sur Kinect, tout ça de voir ça. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, je veux dire. On fait la split. Une bonne webcam, ça fait la job, là. Mais aussi, qu'est-ce qu'il avait parlé, c'est que plus que Kinect a quand même quand les gens sont debout, ont quand même une bonne force de reconnaissance. Ils ont parlé aussi peut-être de l'appliquer pour le tourisme. Des bornes d'information, des choses comme ça, t'es qu'on serait capable de contrôler les affaires sans avoir à toucher un écran, puis toutes ces affaires-là. Fait que, quand même, à surveiller, Kinect sur PC, probablement qu'on va trouver des petits logiciels homebrew intéressants sur Internet, et pourquoi pas peut-être des jeux qui vont l'utiliser. On verra. Par rapport au business là, de la Kinect, je viens de me rappeler aussi qu'il parlait de la formation des employés, qui voulait offrir des possibilités aux employeurs qui veulent s'équiper comme ça en business, en solution business avec la Kinect, pour pouvoir donner justement des solutions de... pour former leurs employés dans les entreprises. Mais, comme j'ai dit, c'est une nouvelle qui est sortie il n'y a pas si longtemps, puis je sais qu'ils sont présentement en bêta. Donc là, je ne sais pas pour le moment ce que ça va donner. Puis il n'y a pas eu beaucoup de détails dans la nouvelle. Effectivement. Sinon, deuxième petite nouvelle, vous savez, lors du dernier E3, Nintendo avait annoncé la Wii U. Dans le fond là, qui était dans le fond la console qui allait prendre le relais de la Nintendo. La Nintendo Wii. On sait qu'on est proche de la fin dans le fond de cette génération là de consoles, qu'il va falloir s'attendre à ce que Sony et Microsoft annoncent les consoles de nouvelle génération. Microsoft aurait pas annoncé officiellement, mais laissé sous-entendre que le successeur à la Xbox 360 serait annoncé lors du prochain conventum d'électronique qui a lieu dans le fond à Las Vegas. Normalement dans le coin de février-mars, dans ce coin-là, que dans le fond, il annoncerait la Xbox 720. Et on ne sait pas si c'est son nom originel. Il avait dit le nom de code officiel, c'était la Xbox Next, je pense, ou quelque chose comme ça, le nom de code. Mais on parle quand même d'une console où ils disent que ça va être encore plus puissant, encore plus révolutionnaire. Donc, restons à l'affût. Quand même intéressant. À mon avis, on va avoir des belles surprises lors du prochain Conventum d'électronique, là, dans le fond, là, à Las Vegas. Puis aussi, la seule chose que moi, je me demande, et je suis prêt à ouvrir un pool là-dessus, est-ce que Microsoft va faire la même erreur pour la troisième fois? Mettre des heatsinks en X pour leur power supply, pour faire des Red Ring. Restons à l'affût et on va surveiller ça. On lancera le pool puissance maximale sur le site pour savoir qui est-ce qui veut parier. 5$ pour participer, puis vous êtes obligé de voter non. Mais je sais pas. Et puis encore là on nous parle avec le dernier E3, puis tout ce qui sort avec les nouvelles de Microsoft puis de la Xbox. Là, on est beaucoup Kinect. On se rappelle, au E3, j'avais fait un petit podcast là-dessus, puis on en reparlait après. Là, c'est Kinect, là, de mur à mur, reconnaissance de mouvement. Puis moi, personnellement, j'étais pas convaincu lors du E3, puis en voyant ce qu'ils voulaient faire pendant les jeux non plus. C'est pour les hardcore gamers, là, les joueurs là, qui sont prêts à jouer des heures des joueurs à Socom, à Battlefield, whatever. Je veux dire, quand on essaye de jouer, puis quand il faut recharger son arme, il faut juste ouvrir son poing devant l'écran, puis tout le temps, puis rester debout accroupi. Non, tu sais, je veux dire, ça marche pas. Il y a plein de trucs comme ça qui vont aller plus vers les joueurs qu'on appelle les casual gamers. Ces innovations-là, on dirait qu'ils sont pas prêtes pour les durs de dur, là, si on pourrait dire. Là. Donc, les grognards, là. Ben, c'est ça, mais j'ai hâte de voir justement si avec cette nouvelle console-là, Microsoft va rester dans cette lancée-là, malgré les critiques là, qui viennent d'un peu partout, là, du monde des joueurs. Là. Ben, moi, qu'est-ce que j'avais lu? Comme je vous dis, c'est encore à stade rumeur. Il y a beaucoup de rumeurs. Il y a un dossier que j'avais lu sur un site d'actualité technologique qui disait que, selon une source sûre, veuillez noter les guillemets, il y aurait une Kinect sur la prochaine Xbox intégrée à la console. Que, dans le fond, la solution Kinect serait déjà à même la console. Donc, à savoir si c'est le cas, je pourrais pas dire, mais d'après qu'est-ce qu'il semblait dire, c'est qu'une des grosses critiques que Microsoft ont avec la console, leur Xbox, c'est que généralement, ils sortent une console, puis on n'a pas le Wi-Fi, on n'a pas ci, on n'a pas ça, faut acheter des accessoires. Fait que là, il semble dire que Microsoft sortirait une console clé en main. comme qu'est-ce que Sony font avec les PlayStation en général où tout est dedans, mais là Microsoft ferait la même chose avec leur Xbox qui ferait en sorte que le Wi-Fi, que le Bluetooth, la Kinect puis tout de là serait à même la console. Il est à peu près temps. La seule chose, c'est qu'on connaît tout le taux de fiabilité des nouvelles consoles de Microsoft au lancement. Est-ce que ça va augmenter la marge de défaillance dans les consoles? Je ne sais pas. Moi, déjà, comme je dis, s'ils ne remettent pas les mêmes médecines, comme qu'est-ce qu'ils font à chaque fois, ça va déjà être un bon départ. Puis s'ils ne font pas affaire encore avec leur usine du Mexique pour leur cordon de courant, ça va déjà aider. Mais t'es au pire, allez... C'est vrai ce que tu dis là, c'est vraiment fabriqué au Mexique? Oui, les premières consoles, ils font tout le temps affaire avec la même usine du Mexique, puis ils ont tout le temps les mêmes problèmes. Bref, s'il y a quelqu'un de Microsoft qui écoute, vous pouvez me contacter par courriel. Ça va me faire plaisir d'être consultant puis vous aider. Merci Andrew de ta dévotion au monde du jeu. Donc, c'était tout pour les nouvelles, à moins que messieurs, non, pas non, exact. Bon, ben, c'est la fin des nouvelles. On va y aller en musique avec un autre rap. Ça va être un spécial Rive-Sud et rap. Un autre rap sur... Il y a beaucoup de rap dans la Rive-Sud, justement. Ouais, ben, c'est le Southside. Ouais, le Southside de la région de Québec. C'est dangereux aller là une fois le soleil tombé. Surtout à cause du trafic. Alors, on continue en musique avec The Legend of Zelda Rap, qui a été fait par Smosh, qui est un collectif d'humoristes qui sévissent sur YouTube, qui font surtout du sketch, qui peuvent être assez grinçant, assez vulgaire. C'est de l'humour excessif. Ouais, c'est très, très, très drôle. Moi, j'adore ça. Si vous tapez Smosh, S-M-O-S-H, sur Internet ou sur YouTube, vous allez trouver de leurs différentes œuvres. Alors, on va y aller justement avec leur dernière chanson basée finalement sur la légende de Zelda. Vous êtes au 88.3 CKIA-FM. Vous écoutez Puissance Maximale. Stop. Bonjour, je suis Frodon et j'écoute Puissance Maximale. Et oui, comme disait Frodon, vous êtes à Puissance Maximale, votre émission d'intérêt ludique sur CKIA FM. Et il est temps de parler manga avec moi-même, votre humble serviteur. Je vais vous parler aujourd'hui d'un manga qui est quand même assez vieux, qui date, en fait, ça avait été édité en français au milieu des années 90 et au Japon fin des années 80. Ça s'appelle, en fait, la première édition du manga s'appelait Fly. Ça s'est basé, en fait, sur le jeu Dragon Quest. Ce que je veux vous expliquer finalement, c'est que ça avait été édité aux éditions J'ai lu manga en 1996 et il y a 37 volumes à ce manga-là. Mais depuis 2006, J'ai lu manga a cessé ses activités. Il y a les éditions Tonkam qui ont racheté les droits de cette série-là et qui la réédite avec les noms originaux. Le gros défaut de cette édition-là, l'édition que j'ai en ma possession, parce que j'ai acheté ça quand j'étais au secondaire, imaginez-vous, ça date déjà. Et la traduction française avait été une grosse critique de cette édition-là, elle est assez mauvaise, merci. Surtout... Déjà, le titre, le précepteur du héros, là... Ouais. Précepteur, c'est quoi? C'est un collecteur d'argent, c'est ça? Mais le précepteur du héros, c'est ça, quand j'étais jeune, je comprenais pas trop. Là, pour se rendre compte que finalement, il parlait du mentor du héros, okay. Celui qui va le former. Puis déjà aussi que Fly, comme nom, on repassera. Le nom original de ce héros-là, c'est Dai, en fait. D-A-I-T-R-E-M-A. C'est le nom original japonais du personnage. Dans la nouvelle réédition de Tankam, ils ont gardé les noms originaux des personnages, mais moi, je connais les noms mauvais de l'édition française. Donc, comme je disais, 37 volumes à ce manga-là. Un manga, un shonen. Pour ceux qui ne se rappellent pas ce que c'est un shonen, comme on expliquait l'année dernière... Je ne m'en rappelle pas. Non, toi, tu ne t'en rappelles pas. Donc, manga fait pour les jeunes garçons, les adolescents, finalement, qui ont surtout basé sur l'action, la fraternité, la compétition contre l'ennemi. C'est surtout ça, en fait. Ceux qui connaissent Dragon Ball vont s'y retrouver. Kenshin aussi. Ça fait qu'on a un héros, finalement, qui s'appelle Fly, dans la version que j'ai chez moi, qui... On se retrouve premièrement dans un monde, c'est la Terre, là. Il n'y a pas de nom spécial à ce monde. C'est un monde fantasy médiéval un peu. C'est basé sur un RPG un peu à la Final Fantasy, pour ceux qui connaissent Dragon Quest. Alors, on se retrouve dans ce monde-là, là, où, il y a quelques années de cela, le roi du mal régnait sur la Terre. Le roi du mal? Ah oui, c'est le roi du mal. C'est clair que c'est méchant. Ah oui, ben tout à fait. Ben, ce manga-là ne va pas dans la nuance côté ces héros sont des héros, les méchants sont des méchants, mm-hmm. Et quand ils ont à changer de camp, ils changent de camp. Il n'y a pas de nuance vraiment, c'est le bien contre le mal. Vous allez voir, ouais, c'est comme ça. Okay. C'est vraiment pas compliqué, mais moi j'avais beaucoup aimé à l'époque parce que c'est très très très divertissant. Il y a des combats, les premiers, c'est plus difficile au début, c'est moins intéressant parce que c'est plus gamin, mais plus ça évolue, ben là, les menaces sont réelles là, parce que justement le roi du mal est de retour après qu'il a été vaincu il y a de cela plusieurs années par le grand héros qu'on l'on nomme Aban. Et puis comment ça marche dans ce monde-là finalement, c'est que y a les animaux, c'est tous des, ils appellent tous ça des monstres finalement, mais tous les animaux étaient contrôlés finalement par le roi du mal, puis lui il y avait des armées de bestioles et de soldats qui venaient finalement, qui attaquaient les gens sous son... puisque c'était sous son emprise, il y avait des morts-vivants également. Mais à la mort du roi du mal, ben tous les animaux sont redevenus finalement des animaux et se sont dirigés... Se sont retournés dans la nature. Et il y a une grosse communauté finalement qui s'est retrouvée sur une île, sur une petite île isolée. Et c'est là qu'on retrouve au début de la série Fly, le héros principal qui a 12 ans au début de la série. Et il vit là avec son grand-père adoptif qui est un monstre, qui est ce qu'on appelle un sorcier comme monstre. C'est bizarre, c'est un peu difficile à décrire comme personnage. Là, pour ceux qui veulent... peut-être aller voir sur Internet, vous tapez la légende de Dai, là. C'est plus facile maintenant avec la réédition de retrouver des images. Alors, on retrouve ce jeune garçon-là qui rêve, dans son rêve, lui, c'est de devenir un héros. Donc, de devenir un héros, finalement, et de combattre le mal, mais qui est comme plus là, finalement, depuis la fin, la mort du roi du mal. Mais arrive, justement, il commence à voir que les animaux sur l'île commencent à devenir de plus en plus agressifs, et on commence à comprendre que, finalement, le roi du mal est de retour. Et à ce moment-là, avec un timing impeccable, arrive sur l'île deux personnages, un personnage Aban, finalement, qu'on apprendra un peu plus tard, là, vous le savez tout de suite parce que je vous l'ai dit, mais Aban, qui est le grand héros qui a tué une fois le roi du mal, arrive sur l'île parce qu'il a entendu parler un peu du jeune garçon qui a quand même des aptitudes intéressantes, et il arrive avec son apprenti qui est un mage, Et alors, lui, il va se donner comme mission de finalement former ce jeune, ce nouveau héros-là, pour lui montrer le, surtout le maniement de l'épée, entre autres. Il arrive là pour être son mentor. Et pendant qu'il est en train de l'éduquer, le roi du mal arrive sur l'île et va se battre contre Aban, son ancien ennemi, et va le tuer. Et là, il, à cause de, d'un truc de protection, là, ou bref, de quelque chose de ben, ben hot, là. Le roi du mal ne pourra pas tuer Fly à ce moment-là et devra partir de l'île. Et Fly, évidemment, comme bon disciple. Vous comme Harry Potter, dans le fond. Là. C'est à peu près ça, mais avant le temps. On reconnaît quelques thèmes, là, quand même. Quelques thèmes récurrents du monde du livre et de la BD qui sévissent depuis des années. Alors, à ce moment-là, Fly et l'autre apprenti d'Aban, qui s'appelle, qui a un nom magnifique là, en français dans cette version-là, qui s'appelle Popu, qui est un qui est un mage. Eux vont décider finalement de venger leur maître et de combattre le mal jusqu'à la fin. Donc, en gros, c'est ça. Vous, avez, vous voyez, là, les thèmes, c'est très, très simple. Là, tout au long de la série, finalement, ben là, ça fait penser justement au RPG. Ils vont apprendre des nouvelles techniques de combat, à acquérir des nouveaux équipements, même que Fly, on apprend plus tard que sa nature, c'est pas vraiment un humain, Fly. Je peux vous faire un petit spoiler alert, là, mais je vous le dis tout de suite. On apprend que finalement, il est de, c'est une créature qui est envoyée, qui a été créée par. Il y a trois sortes de dieux, finalement, dans ce monde-là. Il y a le dieu, de la, le dieu des monstres, le dieu des dragons et le dieu des hommes. Ces trois dieux-là envoient, c'est, ont créé cette créature-là qui s'appelle, en français, c'est encore, vous allez voir, c'est super beau, le chevalier du dragon. Alors, cette créature-là qui est là pour amener l'équilibre dans le monde, pour pas que, qu'une espèce prenne le dessus sur l'autre. Une sorte d'avatar, dans le fond. Là. C'est ça, voilà, c'est un vrai. C'est une créature surpuissante, finalement. Alors, Fly, lui, et finalement, on se rend compte que c'est ce genre, c'est, et cette créature-là, finalement, on dit créature, mais est cette création des dieux, et que lui, il va devoir apprendre à gérer ça, parce qu'on le traite, finalement, les humains pensent que c'est un monstre. Les monstres, mais là, on n'en parle même pas, là, ils attaquent de partout, ça fait qu'ils ne pourront pas aller les voir. Les dieux, ben, ils ont été chassés par d'autres, d'autres entités dans le monde. Donc, lui, il se retrouve à un certain moment dans la série, même s'il y a plein d'amis avec lui, des anciens disciples du maître qui viennent joindre à eux pour pouvoir combattre le mal, ben, il y a un certain moment où Fly se retrouve finalement face à lui-même. Malgré, c'est sûr que ça reste, c'est ça, c'est un shonen, donc, avec des thèmes assez faciles. Il y a de la romance un peu, là, parce que là, évidemment, c'est des adolescents, là, qui viennent à découvrir l'amour pour la première fois. Et il y a aussi ce petit côté-là, le petit amour romantique, donc, qu'on peut retrouver entre certains personnages. L'action surtout, là, c'est vraiment, il y a des belles scènes de combat, mais c'est vraiment style RPG à la japonaise. Donc, ceux qui aiment le genre, ceux qui aiment les Final Fantasy, Dragon Quest, évidemment, parce que c'est tiré de la série, ils vont retrouver aussi des créatures, entre autres le Golden Metal Slime qu'on retrouve dans le Metal Slime aussi tout court, là, qu'on retrouve dans d'autres versions de Dragon Quest, puis qu'on retrouve aussi dans les conventions. Il y a, ça se vend beaucoup en toutou, là, cette créature-là. Mais ça, c'est fait, les gens vont le retrouver facilement là, dans la série. C'est, donc, les gens qui connaissent Dragon Quest vont s'y retrouver facilement. Donc, moi, j'avais beaucoup aimé à l'époque les dessins. Je les aime encore, surtout plus vers le milieu de la série, vers la fin, parce que là, c'est moins enfantin un peu, mais il y a de l'équipement qui se rajoute. Fait que nos personnages ont plus l'air de héros plutôt que des jeunes qui font la fugue puis qui vont combattre les monstres dans le bois. Là, c'est vraiment des héros. On parle. Puis c'est le côté shonen, par exemple. Ceux qui aiment pas quand les personnages, qu'on pourrait dire, callent leur attaque, là, ils donnent un coup de poing puis disent que c'est la technique du tigre vengeur à chaque fois qu'ils donnent un coup de poing. C'est sûr que ça peut, mais il faut toujours garder dans la tête que c'est fait pour les jeunes garçons. Mais ceux qui s'intéressent, qui aiment le shonen, il est bien fait. Surtout la nouvelle version de Tonkam. Ceux qui ont la, qui veulent voir comment on faisait mal un manga des années 90, essayez de trouver la version J'ai lu manga. En plus d'être mal traduit, c'est mal imprimé. Il y a des pages, je me rappelle, moi, dans ma collection. Moi, j'ai les 37 chez nous, j'ai tous les tomes. Je me rappelle, j'ai des pages où j'ai des bavures d'imprimerie, là. C'est dégueulasse. On voit pas, on perd un phylactère au complet. Parce qu'on voit pas ce qui est écrit, parce qu'il y a vraiment une grosse tache d'encre. Ça a encore été imprimé au Mexique, ça? Ah, ça, c'est une bonne question. Ben, je sais pas si les Français font affaire au Mexique pour faire imprimer leur manga. Ça doit avoir été fait dans la même usine que Microsoft. Ah, peut-être, mais remarque peut-être que. En Corée du Nord, tu sais. Ouais. Sauf que moi, depuis que j'ai acheté mes mangas, je peux les utiliser tous les jours, contrairement à certains propriétaires d'Xbox qui ont malheureusement dû s'en départir. Ah. C'est à coup en bas de la ceinture. Oh oui, mais tellement vrai. Moi, ouais, mais je vais pas être plate, là, mais mets-le dans la cage de tes oiseaux, Mike, tu l'utiliseras plus à tous les jours. Ah oui, c'est vrai, il faut dire qu'il y a une Xbox, mais là, dans une cage d'oiseaux, on va en reparler. Il faut dire qu'avoir des livres et trois oiseaux à la maison, ce n'est pas une bonne affaire. Donc oui, vous allez pour revenir au manga en question, c'est ça, c'est un... Moi, je trouve que c'est un classique du shonen, surtout dans sa réédition, parce que là, on a, là vous pouvez voir ça, que je vous ai amené le tome 1, là, le premier volume, puis les versions couleurs, vous allez voir, les couleurs sont très très mal choisies dans la version que j'ai lue. Ils ont fait des améliorations, c'est des... l'édition Tonkam est pas mal moins cheap, là, ça faut le dire. Elle a été rééditée en 2007, puis là, il doit avoir terminé depuis. Vous pouvez trouver ça dans vos... des fois, c'est un peu plus dur à trouver, mais ça se trouve là dans vos magasins de manga préférés où vous pouvez trouver ça sur Internet. Là. C'est un... Moi, je trouve que c'est un bon achat shonen. Ça vaut la peine. Pour les amateurs de fantasy médiévale, RPG à la japonaise, ils vont s'y retrouver. Puis c'est sûr que faut pas s'attendre à des grosses intrigues psychologiques. C'est le bien, le mal. Ça se combat à coups d'épée, à coups de sort. Moi, c'est... À un certain moment, ça devient assez épique dans la série là. C'est un titre que je suggère fortement pour les amateurs du genre, bien évidemment. Donc moi je vous parlais de Dragon Quest Fly dans la version j'ai lu manga des années 90, ou la légende de Dai dans la version Tonkam. Celui qui a signé le scénario, c'est Riku Sanjo, et les dessins sont faits de Koji Inada. Donc un manga pour les amateurs de shonen. On va continuer en musique avant la fin de l'émission avec une autre chanson sur le merveilleux jeu Skyrim, une chanson qui s'appelle Tale of the Dragonborn, parce que vous savez, pour qu'il y ait des Dragonborn et qui ont le sang de dragon en eux, il faut qu'il y ait eu une certaine opération biologique que l'on connaît tous. Donc, cette chanson raconte comment ça s'est passé. Alors, vous écoutez Puissance Maximale sur les ondes de CKIA FM. The Dragonborn seem to have a very strong lineage. But where do they get their power? Well, the Dragonborn have the blood of dragons coursing through their veins. Ergo, their ancestors are dragonfuckers. But how could a mere man perform such an act as coitus on a dragon? Well, my dear boy, I could tell you, but I'd rather hear it in a song. Bartleby! The dragonborn are noble folk, of whom brave tales are often spoke. They're not well known as dragon slayers, more as dragon fornicators. They wrapped their mouths round the dragon's dick and sucked until they had fiery lips. Then get on all fours and fuck some more. This be the tale of the dragonborn. They fucked the dragons in the ass. Their cocks they burned but ne'er did ash. Their mighty halls do stretch and flex. They redefine smoke after sex. They wrapped their mouth round the dragon's dick and sucked until they had fiery lips. Then get on all fours and fuck some more. This be the tale of the dragonborn. The dragonborn, oh how they screw, more than the average prostitute. They've sucked so much of the dragon's cock, they spit the scales out when they talk. They wrapped their mouths round the dragon's dick and sucked until they had fiery lips. Then get on all fours and fuck some more. This be the tale of the dragonborn. Many fear the dragon's wrath, but should one cross a dragonborn's path, they'd stand so poised and show no fear and charge with their cocks like jousting spears. They wrapped their mouths round the dragon's dick and sucked until they had fiery lips. Then get on all fours and fuck some more. This be the tale of the dragonborn. I don't get it. Fuck off! Je suis Madame Folle et à tous mes voyages à Rouyn-Noranda, j'écoute Puissance Maximale. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est déjà la fin de votre émission préférée de tous les temps. Je sais, je vous entends dire pas déjà, et oui, malheureusement, c'est la fin de Puissance Maximale. Et je voudrais remercier tous les collaborateurs qui étaient là. Merci à François pour tes interventions toujours aussi cohérentes et intéressantes. Si les gens veulent en savoir plus, là, ils peuvent aller sur puissancemaximale.com. Hein, peut-être que le site va être mis à jour plus fréquemment. Oui, on essaie de retrouver nos émissions qu'on a commencées depuis le mois de début de novembre-décembre pour mettre ça sur le site pour que vous puissiez écouter nos merveilleux commentaires sur les nombreux jeux dont Skyrim, je le rappelle, qui est merveilleux. On continue avec Andrew Castegan et Jimmy Fortin. Merci de nous avoir parlé de Anno 2070. Ouais, ça a fait plaisir. C'est toujours un plaisir. J'espère que mon collaborateur va venir plus souvent. Ça anime. Ben, je te le souhaite, écoute. Puis je nous le souhaite à nous aussi. Évidemment. Augmenter le pourcentage de Lévisien dans l'émission était trop bas. Ben oui, la Rive Sud, on en manque. On va c'est ce que se dit Régis Labeaume. On va dominer. On va dominer. Je remercie évidemment Vanessa Maillot qui est à la console pour la première fois seule. Elle fait du bon travail. On est content. Bravo, Vanessa. Merci, Vanessa. Et moi, c'est Mickaël Michaud, votre fidèle serviteur, et je vous invite à être là la semaine prochaine, 19h, sur les ondes de CKIA FM 88.3 pour une autre émission de CKIA, de Puissance Maximale. Et bonne semaine de jeu à tous. And when we put on our cloaks and tell warlock jokes, we're the coolest kids at the school. No, we're not. I know. Now, Tack's a real bastard, but a fair dungeon master. He's got hit points and charisma to lend. And I rehearse in my room, or what I call the dragon's tomb. When I'm not out with my girlfriend, it's the end. Whoa. You got a girlfriend? Yeah. Yeah. No. It's D&D. Warriors who terrify. It's D&D. Virgins till the day we One, two, three, four, yeah!